Bonjour Maëlys et à demain pour un nouveau rendez-vous avec l'économie. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui mercredi, et oui, troisième numéro de notre série consacrée à Léon Tolstoï dans la compagnie des auteurs. Une série proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal et Jean-Guilain Meige. Tolstoï est né en 1828 dans une famille qui comptait nombre de personnages illustres et que le grand domaine de Yasnaya Polyana suffisait à mettre à l'abri du besoin. C'est donc tout naturellement qu'il commencera par vivre comme un héritier dans le confort et même la débauche de ce qu'il nommera ses années bêtes, avant pourtant de terminer sa vie en route pour le monastère où il souhaitait finir ses jours dans la rigueur et l'ascèse. Vladimir Fedorovski nous l'a raconté lundi dans une émission à réécouter évidemment en podcast. Hier, avec Luba Jorgensen, nous avons d'abord parlé de son rapport personnel à l'écrivain russe, avant d'évoquer notamment son rapport à la spiritualité. Puis c'est Françoise Lesourd qui nous a expliqué comment Tolstoï était considéré, notamment sur le plan religieux, par l'élite intellectuelle de son temps. Enfin demain, une émission qui sera un pas de côté dans cette série, puisqu'il sera question non pas vraiment de Tolstoï, dont Pierre Bayard nous expliquera qu'il est un personnage fictif, mais bien de Tolstoïevski, un homme aux personnalités multiples. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, après la chronique d'Alexis Broca, nous serons rejoints par Laetitia Leguet, qui nous parlera de Tolstoï et la musique, mais tout de suite, pour évoquer ses grands romans que sont Anna Karénine et Guerre et Paix, pour parler également de la place des objets dans l'œuvre du romancier, je reçois Laure Troubetskoy, traductrice du russe et notamment de plusieurs livres de Nabokov, également directrice de l'UFR d'études slaves à la Sorbonne et auteure de nombreux articles sur Tolstoï. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs, elle s'ouvre avec les premières pages d'Anna Karénine, Lucie par Guillaume Gallienne. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à leur façon. Tout était sans dessus-dessous dans la maison Oblonsky. Prévenue que son mari entretenait une liaison avec l'ancienne institutrice française de leurs enfants, la princesse était refusée net à vivre sous le même toit que lui. Le tragique de la situation, qui se prolongeait depuis tantôt 3 jours, apparaissait dans toute son horreur, tant aux époux eux-mêmes qu'aux autres habitants du logis. La femme ne quittait plus ses appartements, le mari ne rentrait pas de la journée, les enfants couraient abandonnés de chambre en chambre. Le surlendemain de la brouille, le prince Stéphane Arkadievitch Oblonsky, Stiva pour ses amis, se réveilla à 8 heures dans son cabinet de travail sur un divan de cuir et non plus dans la chambre à coucher conjugale. « Ah, ah !» gémit-il sous l'assaut des souvenirs. Une fois de plus, son imagination lui représentait tous les détails de la scène fatale, tout l'odieux d'une situation sans issue. Une fois de plus, et rien n'était plus pénible, il dut se reconnaître l'auteur de son infortune. « Non, elle ne me pardonnera pas, et elle ne peut pas pardonner, mais que faire ?» se répétait-il désespérément. De réponse, il n'en trouva point, sinon cette réponse générale que la vie donne à toutes les questions les plus compliquées, les plus insolubles, se plonger dans le train-train quotidien, c'est-à-dire oublier. Bonjour Laure Troubetskoy. Bonjour. On aurait pu s'attendre à ce que ce roman, Anna Karénine, s'ouvre précisément sur une scène où elle apparaîtrait, elle, Anna Karénine, mais Tolstoï a choisi de montrer, avec ce remords du prince Stepan Oblonsky, qu'il allait peut-être parler non pas d'un personnage en particulier, mais bien d'un sujet, et que ce sujet, ce serait peut-être une passion coupable, vous pensez-vous ? Exactement, et pas seulement une passion coupable, pas tellement une passion coupable, parce que dans le cas de Steve Blonsky, il ne s'agit pas d'une passion, c'est un coureur. Et là, il c'est a une aventure avec une gouvernante. Des passions très très courtes. Mais c'est surtout le thème de la vie conjugale. Thème qui est traité d'abord sur ce mode-là, alors que Steve Blonsky est un personnage secondaire dans le roman, mais qui fait le lien entre les deux intrigues principales, celle de Levin et Kitty, qui va représenter l'amour conjugal heureux, disons, et celle d'Anna et de Vronsky, qui au contraire illustre le caractère tragique de la passion. Mmh. Donc on est là sur une intrigue qui est avant tout une intrigue morale. Morale, oui, si on veut. Mais morale, pas au sens de moralité. Il s'agit vraiment de la question du sens de la vie à travers cette dimension morale de l'intrigue. Sens de la vie que cherche le personnage le plus autobiographique du roman, qui est Levin, justement. Oui, alors donc Levin, vous le disiez, se marie avec Kitty. Au départ, Kitty était plutôt amoureuse de Vronsky. Et alors, Tolstoï semble indiquer une voie qui serait la voie bonne, se marier dans un amour finalement assez religieux, enfin un amour qui n'est pas de l'ordre de la passion, ou qui n'est pas vraiment de l'ordre de la passion. Est-ce que vous pensez que Tolstoï indique à ses lecteurs lequel des amours est l'amour désirable à travers ce couple Levin et Kitty? Bien sûr, mais il ne s'agit pas d'amour comme sentiment éprouvé à un certain moment. Ce qu'il préoccupe, c'est l'amour dans la durée et la vie conjugale dans la durée. Et c'est ça qui est difficile, ça tout le monde le sait, je pense. Et Tolstoï montre très bien qu'après que, enfin, son désir le plus cher se soit réalisé, c'est-à-dire qu'il ait finalement obtenu la main de Kitty, laquelle lui avait refusé dans un premier temps, il est marié, il s'installe dans la propriété familiale, celle où Levin se morfondait tout seul avant. Et Kitty n'a pas voulu d'un voyage de noces à l'étranger, elle veut s'installer tout de suite pour partager la vie de son mari. Donc on est là toujours dans ce thème de l'authenticité. Oui, de l'authenticité, du nid familial qui va devenir nid d'action parce qu'ils vont y avoir des enfants. Et Tolstoï le dit très bien et très joliment, après son mariage, Levin est heureux, mais pas du tout de la façon dont il s'y était attendu. Mmh. Parce que précisément, très vite, c'est la transformation de cette passion en amour conjugal, avec tout ce que ça implique comme difficulté, mais aussi une plénitude qu'il ne connaissait pas. Alors évidemment, ça n'est pas la même chose pour Anna Karénine, qui est donc une belle jeune femme, foncièrement bonne, elle aussi, dont on sait rapidement qu'elle est condamnée par un mauvais présage, Lord Trubetskoy. Oui, c'est la fameuse scène à la gare et toute cette passion et tout ce qu'elle peut avoir de potentiellement destructeur est concentré autour d'une image moderne, d'ailleurs, à l'époque, de la voie ferrée, du train, de la gare. Et ça a un sens, d'ailleurs, que ce soit dans une gare, que ce terrible présage sanguinaire apparaisse à Anna Karénine. Oui, alors, il y a tout un thème du train dans la littérature russe, dont je pourrais vous parler très longtemps, mais on n'est pas là pour ça. On n'a qu'à voir aussi certaines connotations tragiques, voire apocalyptiques du train dans L'Idiot de Dostoïevski. Le train, c'est un phénomène relativement moderne. Que Tolstoï condamne, non pas en tant que moyen de transport, mais parce que ça fait pour lui partie d'une certaine modernité qui détruit, déstabilise l'ordre patriarcal auquel il est attaché. Donc déjà, dans son œuvre, quand on voit un train, c'est lié à une image assez négative de la société. Train dont il était pourtant l'utilisateur lorsqu'il se rendait à Toula. Mais bon. Parce que le train va à l'encontre de la société patriarcale ? Oui, parce que le train, c'est une autre économie. C'est la Russie d'après les réformes. Tolstoï était tout à fait opposé au servage, donc c'est pas ça qu'il condamne. Mais c'est une économie qui repose de plus en plus sur l'argent, sur l'exploitation, qui fait perdre à l'univers paysan sa cohérence, sa sagesse ancestrale. Donc, dans la Karénine, il n'y a pas de condamnation directe de ce nouvel ordre des choses, mais à travers les conversations, à travers les réactions de Levin, on voit bien que c'est une évolution qui le préoccupe. Et puis il y a tout de même le fait donc que dans cette gare, au moment où pour la première fois Vronsky et Anna se rencontrent, un ouvrier... Voilà, un cheminot. À l'occasion d'une manœuvre, parce qu'il avait les oreilles protégées contre le gel, il n'a pas entendu et il est écrasé par un train. Et évidemment, c'est tout à fait prémonitoire. Anna le sent d'ailleurs, elle prend ça comme un mauvais présage. Et c'est associé à un geste un peu où il y a de l'ostentatoire de Vronsky qui fait donner de l'argent, fait transmettre de l'argent à la veuve du cheminot. Ce qui est très bien, très charitable, très bon, mais il y a un soupçon de fausseté parce qu'on sent que Vronsky l'a fait aussi pour impressionner Anna. Elle avait fait aussi un cauchemar, Anna Karénine, avec un petit vieux à la barbe ébouriffée, penché sur quelque chose en fer. Voilà, qui bat le fer. Et ce qui est très curieux, c'est qu'alors qu'il a une physionomie de moujique, il marmonne sur son fer, mais il prononce les paroles en français. Et ce qu'il y a de symbolique, enfin, ce qui fait partie vraiment de la, cette thématique symbolique du roman, c'est que Vronsky fait le même rêve. Alors on voit bien à travers ce thème du train dont on vient de parler toute la question de la modernité qui se trouve aussi dans ce roman. Mais la modernité, elle est peut-être également stylistique et on remarque que le monologue intérieur, le courant de conscience a été inventé, non pas comme on l'avait cru jusque-là par James Joyce dans le monologue intérieur de Molly Bloom, mais que déjà Anna Karénine utilise ou que Tolstoï fait penser Anna Karénine grâce au courant de conscience. Oui, dans la dernière partie, enfin l'avant-dernière partie, pardon, puisque le roman, contrairement à ce que certains pensent, ne se termine pas par la mort d'Anna, par le suicide d'Anna, mais dans cette avant-dernière partie, Anna, dans un état de perturbation intense, regarde ce qu'elle voit autour d'elle, et les observations se mêlent à sa conscience perturbée. On a un véritable courant de conscience décousu, qui saute d'un objet à l'autre. Et mais on ne lui a pas crédité extrême. Finalement de cette nouveauté. Ah ben parce qu'on est franco-français. Enfin, James Joyce n'est pas français. Oui, bah bon, parce que par ailleurs, Tolstoï est un classique, qu'il est l'écrivain de la de l'auteur omniscient, et donc on n'a pas été voir ça. Vous qui êtes traductrice, Laure Trubetskoy, est-ce que vous avez vu évoluer le langage de Tolstoï au fur et à mesure de la succession de ses livres, quand on les prend chronologiquement ? Je n'ai jamais traduit Tolstoï. Non, mais vous avez l'œil du traducteur qui est même un œil précis oui, sur le texte. Si on confronte Guerre et Paix et Anna Karénine, évidemment, il y a la différence de l'époque. C'est-à-dire que bien que Tolstoï ne fasse pas du tout de stylisation historique du langage, d'ailleurs un demi-siècle c'est peut-être trop court pour qu'il y ait de vraies différences, mais il y a quand même un coloris de l'époque dans les dialogues des personnages qu'on ne retrouve plus dans Anna Karénine. Et Tolstoï l'a très explicitement présenté ainsi, il appelait Guerre et Paix le roman du passé et Anna Karénine roman de la vie contemporaine. Vous auriez aimé traduire l'un de ces deux livres ? C'est très long. Passons donc à Guerre et Paix. Les Français avaient pu exécuter 3 tirs à mitraille avant que les hussards eussent rejoint leurs chevaux. Les 2 premiers ayant été mal dirigés, toute la mitraille avait passé par-dessus. En revanche, la 3e décharge avait atteint en plein un groupe de hussards et en avait fauché 3. Toujours préoccupé de l'attitude de Bogdanitch, Rostov s'arrêta sur le pont, ne sachant ce qu'il devait faire. Il n'y avait personne à sabrer, selon l'image qu'il s'était toujours faite d'une bataille. Aidé à mettre le feu au pont, il ne le pouvait pas non plus, ne s'étant pas muni comme les autres de bottes de paille. Il restait debout et regardait autour de soi, quand, soudain, le pont crépita comme sous une grêle de noix et celui des hussards qui était le plus proche de lui s'affaissa en gémissant sur le parapet. Rostov courut à lui en même temps que d'autres, et de nouveau quelqu'un cria « Une civière !» 4 hommes saisirent le hussard et le soulevèrent. Rostov se détourna, et comme s'il cherchait quelque chose au loin, il regarda les eaux du Danube, le ciel, le soleil. Qu'il était beau le ciel, bleu, calme, profond. Qu'il était lumineux et solennel le soleil déclinant. comme les eaux du Danube brillaient dans le lointain, lisses et caressantes. Mais plus attrayantes encore, lui paraissaient les montagnes bleutées au-delà du Danube, les gorges mystérieuses, les forêts de pins baignant dans la brume. Là, c'était la paix, le bonheur. Je ne désirerais rien, rien. Je ne désirerais plus rien si seulement je me trouvais là-bas, songeait Rostov. En moi-même et dans ce soleil, il y a tant de bonheur. Et ici, des gémissements, la souffrance, la peur et cette confusion, cette hâte. Voilà qu'on crie de nouveau et que tous se sauvent, et je cours avec eux, et la voilà la mort. La voilà au-dessus de moi, autour de moi. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait de Guerre et Paix lu par Denis Podalydès, que vous inspire-t-il, Lord Trubetskoy ? C'est l'un des nombreux récits de bataille de Guerre et Paix qui ont des points communs, mais en même temps qui sont très différents selon qu'il s'agit de la première période, de 1805 à la paix de Tilsit en 1807 et 1812. Et là, on a l'exemple type de la première période où la bataille est montrée, enfin c'est d'ailleurs un engagement, c'est pas une grande bataille, il y a trois grandes batailles dans Guerre et Paix, c'est la bataille de Schöngraben, la bataille d'Austerlitz et en 1812, Borodino, celle que les Français appellent la bataille de la Moscova. Et donc dans la première période où le peuple russe n'est pas directement concerné dans la mesure où ce sont des batailles qui se situent à l'étranger, la problématique intimement liée à ces batailles, c'est le baptême de feu et ou les rêves de gloire. Et là, Rostov est un jeune qui est confronté pour la première fois à la chose militaire et à la bataille. Et donc, dans un premier temps, il s'observe. Et là, je ne sais plus si c'est dans ce passage-là ou un peu plus tard, il a peur d'avoir peur. Parce que ce qui compte, c'est d'être courageux. Et là, ça va rejoindre toute une interrogation sur le courage authentique que Tolstoï menait déjà dans les récits de Sébastopol. Et petit à petit, se dévoile un autre aspect qui est celui de la découverte non seulement de la mort, de la cruauté, mais de quelque chose qui dépasse largement ce rêve de bravoure. Et on le voit pour la première fois, il est confronté à une dimension qui est celle de la mort, qui est celle d'un autre monde, alors que lui n'est pas un homme de pensée, de réflexion. De la même manière que les romans de Tolstoï sont moins des romans de pensée et de réflexion que des romans directs, que des romans du dire vrai. Oui, du dire vrai, au-delà des apparences, alors ça peut prendre plusieurs formes. Il y a très souvent un écart entre ce qui est dit et ce qui est pensé ou suggéré. Tolstoï est un grand maître pour montrer l'écart entre la parole formulée et la pensée implicite des personnages. Et puis il y a tout ce dévoilement qui se produit à travers différentes expériences qui mènent vers la vérité, au-delà de ce qui est très souvent la fausseté de la société. Certains critiques, certains lecteurs ont pu trouver des longueurs à ce roman Guerre et Paix. Vous-même, vous ne vous lanceriez pas dans sa traduction, car vous venez de dire que c'était trop long. Bon, c'est quoi ? C'est les récits de bataille qui sont trop longs ? Ah non, pas du tout. Quoique j'ai mis un certain temps à les apprécier, parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Il ne faut pas les prendre justement comme le récit d'une grande bataille en panorama, parce que c'est l'inverse que fait Tolstoï. Mais là, bon, ce serait un peu long de développer toute la chose. Non, la longueur de l'action, c'est la durée même de la vie, et Tolstoï est le grand maître de la restitution de l'impression de durée. Mais quand on parle de longueur, on pense souvent aux digressions historiques qui ont beaucoup déconcerté aussi bien les contemporains que les lecteurs jusqu'à présent. Digressions qui se trouvent surtout dans la deuxième partie et qui occupent entièrement la deuxième partie de l'épilogue. Oui. Et là, effectivement, Tolstoï fait quelque chose de presque hybride, ce qui a souvent été le cas des grands romans russes, d'ailleurs. C'est un grand roman, mais il y expose aussi ses conceptions de l'histoire. Peut-être trop, d'ailleurs, car... Encore une fois, sans doute les mêmes critiques et les mêmes lecteurs grincheux ont pu dire que cet épilogue n'était pas forcément nécessaire, qu'on aurait pu s'en passer. Pour la deuxième édition, et je crois aussi la troisième et la quatrième, il les a supprimés. Mais comme il y tenait beaucoup, il les a regroupés dans une espèce de postface, mais qui était complètement séparée du roman. Et il avait dit d'ailleurs qu'il y avait des lecteurs artistiques, comme ils les appellent, qui comprennent ces conceptions de l'histoire sans qu'on ait besoin de les expliquer sur le mode théorique. Et que ceux-là, donc, n'en auraient pas besoin. Mais les autres en avaient besoin. Bon. Et donc, finalement, lors des éditions suivantes, il a rétabli l'ensemble sous sa forme initiale. Et tout cela donne 4 livres, sans compter donc l'épilogue, de 300 ou 400 pages chacun, selon évidemment les éditions. Une somme qui trouve une place particulière dans la culture russe, pour qui les 4 volumes de Guerre et Paix constituent une somme de sagesse et de vie. Oui, de sagesse, peut-être pas pour tout le monde, surtout que bon, il n'y a pas vraiment de recherche de la sagesse, surtout dans Guerre et Paix. Les personnages sont toujours en mouvement. Dans l'épilogue, on sent que bon, ça n'est pas un arrêt de tous les projets. La recherche de Pierre Bizourov va continuer. Elle est du côté de l'action, puisqu'on sent que il va participer à l'insurrection des décembristes. C'était d'ailleurs le point de départ initial du roman. Tolstoï avait d'abord conçu un roman sur les décembristes, les auteurs de cette insurrection de 1825, qui avait pour but d'imposer une constitution, l'abolition du servage. Et puis, petit à petit, il est remonté dans le temps. Ce qui fait que le roman commence en 1805, il se termine après 1812, avec un épilogue quelques années plus tard qui laisse entrevoir que le sort d'un des héros sera lié aux décembristes. Mais il a une place particulière tout de même dans la... Mais moi je dirais que c'est plutôt du côté de la vie, c'est-à-dire qu'il y a une lecture typiquement russe de ces romans-là qui fait que on a l'impression que les personnages sont des amis, sont des membres de la famille. Nabokov le disait d'ailleurs plus tard, disait que les Russes prenaient le thé tout en parlant des personnages comme si... Comment va Natacha ? Voilà. Et Bulgakov en parle aussi dans son premier roman, La Garde Blanche, qui est le roman de l'effondrement d'un monde pendant la guerre civile. Et il parle de la bibliothèque de la famille, où sont, et il ne donne pas les noms les titres des romans, il dit, il y a Natacha Rostova, il y a la fille du capitaine, il appelle ça les livres au parfum de chocolat. C'est un livre aussi qu'on peut lire comme une transposition de la vie de Tolstoï, notamment à travers le personnage de Bezoukhov. Oui, parce que, comme Lévin plus tard, mais d'une autre façon et dans une autre époque, il cherche le sens de la vie. C'est quelqu'un de tourmenté et on trouve l'exigence morale, l'inquiétude morale qui a été celle de Tolstoï dès le début. Avec les mariages qui aussi peuvent faire penser à la vie de Tolstoï, puisque Pierre se marie d'abord avec Hélène, frivole, intrigante, belle et perfide, et puis ensuite Natacha est plutôt une bonne épouse, une mère de famille méritante. Oui, et il a aussi, il s'est inspiré aussi pour ses personnages de ses parents ou de personnes de sa famille de la génération d'avant. Il y a effectivement toute une vie du nid tolstoïen dans ces personnages. Un parcours vers quand même quelque chose de plus moral. Mais il n'y a jamais enfin, une vie de famille moins dissolue, disons. Oui, oui. Mais enfin, Tolstoï n'a pas été marié à une belle perverse. À chaque page de Léon Tolstoï, on est saisi par la précision symptomatique des détails. On a l'impression que ce n'est pas un écrivain ivre de sa toute-puissance qui a créé ces personnages, mais un observateur méticuleux de la nature qui a noté des petits faits, des traits importants, qui les a consignés, qui a assemblé tout cela comme un artisan assemble une mosaïque. Et alors cette prose se situe au-delà des modes littéraires, au-delà des modes artistiques. C'est une prose qui ne bouge pas, qui ne vieillit pas. Quand on lit Dostoïevski, on est traversé par des prophéties fulgurantes. On a l'impression d'entendre un homme haleté en proie à une passion dévorante. Quand on lit Tolstoï, on a l'impression d'entendre le souffle régulier d'un marcheur sur une route plate au soleil de midi. Le graphique dostoïevskien est une ligne brisée, le graphique tolstoïen est une ligne droite. Quand Tolstoï nous entraîne dans ses livres, eh bien, il ne dépasse jamais les frontières de notre monde, de notre champ d'expérience. Mais il est doué d'une sensibilité qui fait qu'il perçoit plus intensément que nous la sollicitation des êtres et des choses. Il est aussi à l'aise dans la description d'un chien de chasse flairant le gibier que dans la description d'une jeune fille attendant son premier bal. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors pour Henri Troyat, qu'on entendait à l'instant, interrogé par Jacques Chancel, Tolstoï est un observateur méticuleux de la nature, et vous-même, vous avez écrit plusieurs articles sur le thème des descriptions, à la fois de la nature et aussi des objets chez Tolstoï. C'est un grand observateur, Tolstoï ? Oui, c'est un grand observateur, incontestablement. Il a un œil d'une acuité remarquable, mais... Si on veut parler des objets, ça ne veut pas dire pour autant qu'il peuple ses romans d'objets comme caractéristiques des personnages, comme chez Balzac. Voilà. Julien Gracq disait, il y a une très jolie expression disant que chez Balzac, les personnages sont emmaillotés dans tout un réseau d'objets, le cadre de vie caractérisant les personnages. Curieusement, dans Guerre et Paix, il n'y a pas tant d'objets que ça. Donc le décor ne compte pas vraiment ? Non. Pas vraiment. Ce qui prime chez Tolstoï, ce sont les personnages, c'est leur façon de vivre, de bouger, les dialogues donc avec l'implicite et l'explicite, c'est toujours très important chez lui. Et quand il y a des objets, c'est vraiment lié à quelque chose de particulier. Mm-hmm. Par exemple, dans Guerre et Paix, il y a énormément d'instruments d'optique. Mm-hmm. Bon, il y a les lunettes de Pierre Bézourov, dont tout le monde se souvient parce qu'il est myope. C'est d'ailleurs autobiographique. Tolstoï aussi était myope. Ah ben, vous voyez que c'est un personnage autobiographique. Ben, j'ai pas dit le contraire. Et il y a aussi des longues vues dans les scènes de bataille. Il y a des lorgnons, enfin toutes sortes d'instruments. Des miroirs aussi pour lire dans l'avenir. Oui, parce que ça, c'est le rituel de divination que pratiquaient les jeunes filles russes au moment de l'épiphanie. C'est un peu effrayant quand on y pense. Elles se mettaient dans le noir, devant un miroir, avec deux bougies de chaque côté, et elles regardaient fixement le miroir jusqu'à voir apparaître l'avenir. L'image de leur futur fiancé. Voilà. Mais non, tous ces instruments d'optique, ils sont liés au thème de la juste vision. Et de ce point de vue-là, ils sont liés aussi au problème de la représentation des batailles. Mm-hmm. Parce que Tolstoï s'inscrit en faux contre la conception d'une bataille comme mouvement correspondant à une stratégie établie à l'avance, comme un panorama où on peut tout suivre. Dans une bataille, pour reprendre un titre célèbre, en fait, on n'y voit rien. Mm-hmm. Parce que tout se passe avec une quantité de mouvements contradictoires qui souvent ne répondent absolument pas à la stratégie prévue. Et donc, il y a dans ces scènes de bataille, un problème d'accommodation. Comment voir la bataille et comment la décrire ? Ça, c'est une question qui court à travers tout le roman. Et le problème d'accommodation chez Pierre Biesourhoff, le myope, c'est comment accorder ces différentes intuitions, pulsions, aspirations. Mais pourtant, lui, il arrive à voir en 1812 la fameuse comète, qui est aussi un beau passage de Guerre et Paix, qui illumine le ciel moscovite. Oui, mais il y a eu tout un cheminement chez Pierre qui menait une vie dissolue de jeunes héritiers fortunés, tout en culpabilisant beaucoup. Et petit à petit, vraiment, Pierre, c'est celui qui cherche inlassablement, malgré ses écarts de conduite. Et petit à petit, précisément dans ce contexte 1812, où la guerre prend un sens, contrairement aux épisodes précédents, parce que c'est une guerre nationale, parce que tout le peuple russe se rassemble pour combattre l'ennemi, parce que aussi il a pris conscience de son amour pour Natacha. Il se rapproche d'une dimension quasiment cosmique qui se traduit par l'image de cette comète et par d'autres images de ciel. On aurait pu continuer longtemps sur la description des images de ciel et de paysage avec vous, beaucoup de ciel dans Lord Trubetskoy. Une dernière chose, Trubetskoy, c'est bien le nom d'un personnage dans la biographie de Tolstoï. Non, c'est Drubetskoy. Ah, Drubetskoy. Tolstoï a vous pris... étiez directement héritière de la famille Tolstoï, mais pas du tout. Mais ça n'a rien apparenté, à voir. Mais enfin, ah, quand même. Bon, par mon mari. Je ne suis pas née Trubetskoy, c'est le nom de mon mari qui était effectivement cousin de Tolstoï, le fondateur de l'association des amis Léon Tolstoï, qui est toujours active à Paris. Serge Tolstoï était un petit-fils de l'écrivain et un cousin germain de mon beau-père. Ben, nous sommes très honorés de vous avoir reçu. Donc aujourd'hui, Lord Trubetskoy, j'ai l'impression d'avoir quasiment Tolstoï venu nous parler de Tolstoï. Pas tout à fait. Pas tout à fait. À très bientôt. En tous les cas, tout de suite, c'est En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Alexis Broca du nouveau magazine littéraire. Bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez de grands souvenirs de romans, de lectures de Tolstoï? Oui, j'ai de très bons souvenirs de Tolstoï, d'autant plus que la littérature contemporaine me renvoie souvent à Tolstoï. Vous avez fait écouter tout à l'heure l'Incipit d'Anna Karénine. Je me souviens que cet Incipit d'Anna Karénine est l'objet de réflexions dans le livre, par exemple, L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je suis pour ma part frappé du nombre de réécritures ou de livres qui s'inspirent de Guerre et Paix. Il y a bien sûr Le Vie et Destin de Vassili Grossman, qui est un peu qu'on peut décrire comme le Guerre et Paix de Stalingrad, peut-être. Et en tout cas, j'aime beaucoup Mario Vargas Llosa. Lorsque j'ai lu La Guerre de la Fin du Monde de Vargas Llosa sur une série de campagnes militaires menées au Brésil, on voit bien que dans son plan, dans sa structure chorale, dans ses descriptions des batailles à hauteur d'homme, il y a quelque chose qui ressort d'une inspiration tolstoïenne. Je trouve ça d'ailleurs souvent dans d'autres gros romans américains. Je pense au livre de Marlon James sur la Jamaïque notamment. Bref, j'ai l'impression, peut-être illusoire, mais d'une présence tolstoïenne dans la littérature contemporaine. Non, mais on entend aussi dans ce que vous dites une grande passion pour l'écrivain. Peut-être que dans vos livres, il y a aussi quelque chose de tolstoïen. Écoutez, j'oserais pas, mais bon... Vous nous laissez juger. En tout cas, je peux vous dire que j'ai médité effectivement ce prologue d'Anna Karénine sur la façon dont les familles sont toutes malheureuses, chacune à leur façon. Alors, vous venez nous parler du nouveau magazine littéraire, et pas du dossier, ni des gros papiers, mais plutôt de deux pépites dont vous ne nous parlez pas d'habitude, mais qui sont pourtant intéressantes. C'est vrai que le magazine littéraire se constitue aussi d'une foule de petites rubriques dont je vous parle jamais. Donc, c'est l'occasion. Je saisis l'occasion. Je vais vous parler de cette lettre d'amour que l'on propose tous les mois à un auteur. Enfin, tous les mois, nous suggérons à un auteur d'écrire une lettre d'amour, soit sur un objet de son choix, soit sur un sujet qu'on lui suggère. Et ce mois-ci, c'est Éric Chevillard qui nous déclare sa flamme pour l'homme de Néandertal. Je vais vous lire un petit extrait. J'aurais voulu te ressembler. Tu n'avais guère de menton. Le mien ne m'est d'aucune utilité. Ta solide mâchoire de prognate s'y substituait avantageusement, idéale pour broyer noix et crustacés dont je raffole. Ta visière d'os suborbitaire était le signe de ton intense concentration, le prix d'une pensée féconde. Ton large nez frémissait à tous les souffles, même aux aigres fragrances des charognes qui informaient ta méditation sur les fins dernières, et ton occiput crânement bombé attestait ton esprit frondeur. Voilà la tête qu'il me fallait. Alors, bien sûr, c'est pas innocent si on a demandé à Éric Chevillard de nous parler de l'homme de Néandertal. Il y a eu pas mal de découvertes récentes sur Néandertal. On sait aujourd'hui qu'il nous a légué une part de nos patrimoines génétiques. Une étude encore plus récente nous apprend qu'il serait peut-être l'auteur de certaines cathédrales de l'art pariétal. Eh bien, nous, ça nous amusait un petit peu de voir comment, en littérature, on traduisait ces changements de perception de notre lointain cousin. Puisque si on pense qu'il y a un siècle, René l'Aîné, l'écrivain de la guerre du feu, appelait Néandertal l'homme sanglier. Jean Howell, un peu plus tard, on a fait une sorte de cousin tout à fait humain, mais un peu fruste, estimable, mais en même temps voué à disparaître. Là, Chevillard amusait en fait une sorte de chance manquée pour l'humanité, ce que je trouve assez joyeux. Voilà pour cette lettre d'amour. Une autre rubrique dont vous ne nous parlez jamais, mais qu'on va... C'est vrai. C'est une erreur que nous allons réparer aujourd'hui, c'est le roman d'un livre. Voilà. Alors là, il s'agit en fait de raconter comment certains livres, certains classiques, ressurgissent soudain à cause des résonances qu'ils trouvent dans l'actualité. L'exemple le plus évident, c'est Paris est une fête d'Hemingway. Comment est-ce que c'est ressorti tout à coup au moment des attentats? Cette rubrique est réalisée par la grande reporter Delphine Minoui. Et ce mois-ci, elle s'intéresse au succès, pour le mot inattendu, d'une nouvelle de Dostoïevski complètement méconnue, qui s'appelle Le Crocodile, et qui connaît une certaine faveur dans la Turquie de Monsieur Erdogan. Le Crocodile, en fait, ça raconte l'histoire d'un fonctionnaire qui se fait avaler par un crocodile sous les yeux de son épouse, et le fonctionnaire est vivant dans le ventre du crocodile, et toute la nouvelle, tout l'objet de la nouvelle est de savoir comment est-ce qu'on l'extraira du crocodile. Et la nouvelle, en gros, met en lumière les lourdeurs de l'administration, la cupidité de la société, la capacité de la presse à réécrire l'événement de façon différente, et il semble que plus de 120 ans après la mort de Dostoïevski, eh bien, ce texte résonne très fort avec ce que vivent les citoyens turcs. Des universitaires turcs en ont fait une pièce de théâtre, la pièce de théâtre a fait salle comble à Istanbul, elle est partie faire le tour de la Turquie, et en effet, le ventre de crocodile peut devenir une métaphore, celle d'un régime spécialisé dans les détentions arbitraires, et les manœuvres d'extraction peuvent renvoyer à tous les petit travers que connaît sans doute la société turque aujourd'hui. Bon, on espère que ce crocodile libérera un jour son prisonnier. Merci beaucoup Alexis Broca. Je donne rendez-vous à nos auditeurs en kiosque pour se procurer le nouveau magazine littéraire avec toujours à la une le dossier sur mai 68. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous continuons à parler de Léon Tolstoï, cette fois dans son rapport à la musique, avec à présent Laetitia Legay. Quand on le compare par exemple à un écrivain comme Dostoïevski ou à d'autres écrivains, ses contemporains qui ont le même âge que lui, la plupart d'entre eux ont commencé en imitant Dostoïevski, a commencé en imitant Gogol, Turgenev a commencé en imitant Pouchkine, etc. Alors que pour Tolstoï, son école précisément, ça a été son journal intime. Et donc, du point de vue littéraire, effectivement, c'est un peu un autodidacte qui s'est formé lui-même à l'écriture, n'est-ce pas, qui a inventé un style qui n'appartient qu'à lui, un style de présentation des personnages qui puise précisément dans son expérience d'auteur de journal intime, finalement, de connaissance de soi à travers le journal intime. Bonjour Laetitia Legay. Bonjour. Vous avez reconnu, j'imagine, cette archive. La voix de Michel Lecouturier. Oui, la voix de Michel Lecouturier. À votre micro. Avec émotion, puisque il a disparu il n'y a pas très longtemps et qu'il avait tant œuvré pour Tolstoï en France. Voilà, c'était un grand monsieur de l'université française aussi. Mmh. Alors vous avez fait un certain nombre d'émissions, puisque vous êtes productrice ici à France Culture. Vous avez notamment fait cette émission dont est extraite l'archive qu'on vient d'entendre, Une vie, une œuvre, Tolstoï. Vous êtes également universitaire, spécialiste à la fois de musique et de littérature. Et on vous doit justement un texte sur Tolstoï et la musique, paru dans la revue Europe en 2010. Un texte que vous aviez joliment intitulé « Le piano et le rossignol », car Tolstoï était touché par la musique, comme il était touché par la nature et par le chant des oiseaux. Alors en fait, il y a une sorte de rapport similaire, on pourrait dire, entre Tolstoï et la nature et Tolstoï et la musique. Avec notamment dans les carnets, un moment où il raconte qu'il marche, il foule les herbes, le seigle, je crois aussi, et tout d'un coup, des notes lui viennent en tête et il se met à chanter quelque chose. Et très souvent, cette musique est associée à un rapport de plénitude avec la nature. On en a beaucoup d'exemples, non seulement dans les carnets, mais aussi dans les romans, et en particulier dans « Résurrection », donc le dernier grand roman de 1899, où Tolstoï va explorer les noirceurs du bagne. Et il y a le personnage principal revient dans sa propriété d'enfance et ouvre la fenêtre, entend les rossignols, et à ce moment-là se rappelle, curieusement, du piano qu'il entendait jouer dans la demeure du directeur de la prison, où cette musique résonnait joyeusement. Alors, la musique est associée à la joie, en général, chez Tolstoï. La nature est souvent associée à la musique. Et donc ce passage qui peut paraître un peu singulier, du piano qui est rappelé par le rossignol, en fait, c'est clair quand on écoute Aksionov, l'écrivain Aksionov, qui m'avait raconté un jour, je ne sais pas où il a lu ça, parce que je ne l'ai jamais retrouvé, peut-être que Laure Troubetskoï sait, dans la biographie de Tolstoï, il y a un moment où Tolstoï revient à Yasnaya Polyana, se met au piano et a ouvert la fenêtre, et le son de son piano se mêle au son du rossignol. Donc, il y a une sorte d'écho. Donc ils jouent ensemble, voilà, d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette histoire du piano et du rossignol intervient dans Résurrection, donc après la crise d'Arzamas, donc après le moment où Tolstoï va se mettre à avoir un regard très moral, voire moralisant sur toute une partie de la création artistique. On a dit beaucoup qu'il s'était mis à rejeter toute la musique. On voit par Résurrection que ce n'est pas le cas. Et on sait aussi par des témoignages de musiciens qui l'ont fréquenté que Tolstoï a écouté de la musique, aimé la musique jusqu'à la fin de sa vie. Donc on va revenir sur un certain nombre de choses que vous venez de dire, Laetitia Le Guay, pour les développer. Sur cette anecdote qui donne le titre de votre article, Tolstoï aurait dit que ce jour-là, avec le rossignol, il était à l'apogée de sa vie. Pas dans Résurrection, mais quand il s'est mis lui-même au piano, Yasnaya Polyana, et qu'il a le son du piano s'est mêlé au son du rossignol, peut-être parce que ça a été l'un des moments de cette immédiateté. Georges Niva dit que Tolstoï était un drogué de l'immédiateté, c'est-à-dire une sorte de plénitude du présent, plénitude contemplative que symbolise cette union du piano et du rossignol. Oui, Niva qui disait aussi que Tolstoï était un grand sensuel. Oui, mais tout se mêle, parce que le rapport à la musique de Tolstoï est d'abord éminemment sensuel, on peut le dire, voire érotique. Ah oui, à quel point ? Alors, sensuel et émotif au point qu'il pleurait dès qu'il écoutait de la musique. Et c'est dans des articles du cahier Léon Tolstoï sur Tolstoï et la musique que l'un des auteurs explique que ce mouvement de joie intense, de vie qu'évoque la musique est lié à l'éros et d'ailleurs est lié au surgissement de l'écriture. C'est en écoutant la musique souvent que Tolstoï a des idées, des images. Et c'est d'ailleurs transposé dans une des nouvelles où on a le personnage qui se met au piano et tout d'un coup voit des images et les images peu à peu se coagulent en récit et l'écriture advient. La musique, c'est peut-être aussi pour Tolstoï des réminiscences de l'enfance puisque sa mère, qu'il n'a quasiment pas connue, jouait du piano. Il y a la réminiscence de l'enfance et puis il y a surtout, je pense, cette intensité d'existence et cette... ce rapport à la création, ce courant de vie, ce mouvement. Il y a un moment, je crois que c'est dans Résurrection, les hommes sont des rivières. Il y a quelque chose du flux musical, parce que souvent aussi quand il parle d'œuvres musicales, il évoque des œuvres qui sont liées à l'improvisation, par exemple la sonate quasi una fantasia de Beethoven. Et donc là sa mère jouait souvent visiblement aussi. Alors, je ne sais plus, la mère, elle est associée à un concerto de Field et à une autre symphonie de Beethoven, je ne sais plus si c'est celle-là. Mais en tout cas, musique, écriture, image. Et ce qui est très beau chez Tolstoï, à propos de la musique, ce n'est pas simplement ce qu'il pense de la musique et comment on écoute la musique et quelle est la bonne et la mauvaise musique, mais c'est, ce sont les pages poétiques qui sont associées à l'idée de la musique. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons à présent de Tolstoï et la musique avec vous, Laetitia Le Guay. On peut dire peut-être qu'il a essayé, dans un certain nombre de ses textes, Tolstoï, d'écrire la musique. Est-ce que vous souscrivez à cela, Laetitia Le Guay ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une on pourrait dire presque une poétique qui est liée à l'écoute de la musique, avec un foisonnement de métaphores, les parfums, les fleurs, la lumière et l'ombre, que Proust va reprendre. D'ailleurs, Proust a beaucoup pris chez Tolstoï. On pourrait dire que Vinteuil, finalement, il a recopié, il a un peu repris les récits de jeunesse de Tolstoï. Décidément, il a vraiment absolument tout inventé, le courant de conscience. il manque que la Madeleine. Et c'est, non, mais c'est par bon. Exemple, la mort de Baldassare Silvan, de Proust, je crois que Proust dit lui-même qu'il s'est inspiré de la mort d'Ivan Illich et des écrits de Tolstoï sur la musique. Et puis, la matinée d'un gentilhomme rural, le bonheur conjugal, la sonate à Kreutzer, Lucerne, Albert, tout ça c'est des récits où la musique est présente. Oui, la musique aussi comme musique du monde, dans un héritage direct de Schopenhauer, et la musique comme ineffable appréhension de la mort. Très souvent la musique est liée aussi à la mort, notamment dans ce récit Albert, où Albert est un violoniste qui a un corps un peu difforme, mais qui joue divinement bien du violon et qui, au moment où il va mourir à la fin, va entendre un violon de verre et, comme le prince André à la fin de sa vie, entend de la musique et comme d'autres personnages. Il y a aussi un chant tyrolien dans la rue, ça c'est dans Lucerne, je crois. Alors, c'est une autre thématique qui est importante chez Tolstoï, c'est art populaire, art savant. Et avec l'idée que l'art doit faire communier les peuples les uns avec les autres, et que la musique populaire est particulièrement propice à cette communion. Et on a plusieurs épisodes où on a cette musique populaire qui est mise en avant, notamment dans Guerre et Paix. Il y a un moment où Natacha danse, puis son oncle se met au piano, chante une mélodie populaire, et là, après, Natacha se dit « je vais abandonner la harpe pour la guitare ». Bon, là, c'est pas de la musique populaire qu'on écoute, c'est pas du chant tyrolien, c'est Beethoven. Alors vous dites, Laetitia Le Guay, que le rapport de Tolstoï à la musique a été bouleversé, vous avez commencé de l'évoquer tout à l'heure, par l'effroi de la nuit d'Arzamas, survenue en 1869 dans une auberge et relatée dans Ma Confession. Avant de nous dire exactement en quoi la musique joue un rôle, peut-être pouvez-vous développer un petit peu de quoi il s'agit sur cette nuit d'Arzamas. Je pense que Laure Trubetskoy pourrait le dire mieux que moi encore, mais donc c'est un moment où Tolstoï, qui était en voyage dans une auberge, a eu une appréhension de la mort, une nuit d'effroi, ou... Aidez peut-être Laetitia Leguet, si vous le voulez bien, Laure Trubetskoy, vous reprenez votre micro que vous aviez sagement mis de côté. Oui, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a été pris, il s'est vu mourir et il a été pris de cette angoisse absolument indicible que l'on va retrouver, enfin qui va inspirer ensuite toutes ses œuvres et qui va aboutir à la mort d'Ivan Illich et tous ces grands récits de la mort. Et cette angoisse, elle va jusqu'à remettre en question, là je me retourne vers vous Laetitia Leguet, son rapport à la musique et aux arts en général. Je ne sais pas si c'est son rapport aux arts ou si c'est son discours sur les arts. Il y a une sorte de tension entre son talent d'écrivain et puis ce qu'il dit de la littérature, et de même entre ce qu'il vit de la musique, puisqu'il continue à faire de la musique de chambre, du Beethoven en famille, tout en maudissant les dernières œuvres de Beethoven trop compliquées. Non, ce qui va se développer sur la musique, c'est une réflexion sur l'esthétique musicale, et donc ce vers quoi va aller Tolstoï dans une idée de quête d'authenticité, c'est vers l'idée d'un art plus simple, d'un art plus proche de l'art populaire, dans des formulations qui parfois font penser de manière très curieuse à ce que va être le réalisme socialiste, c'est-à-dire la musique doit être simple, accessible à tous et nourrie de musique populaire. Bon, ça c'est terrible quand même pour un artiste comme Tolstoï. Oui, mais en même temps on peut dire que c'est aussi ces réflexions-là qui ont donné le groupe des Six, les musiciens néoclassiques. Donc c'est, on peut tirer de tous les côtés. Mais en tout cas c'est une réflexion, je pense, sur l'idée de la simplicité en art, et peut-être aussi une réaction à ce que Tolstoï devait ressentir comme une sorte de boursouflure du symbolisme. Mais la simplicité en art, c'est très bien, mais l'idée que la musique a quelque chose de coupable, c'est différent, c'est un petit peu... Non, mais on trouve ça chez Platon déjà, c'est-à-dire qu'il y a une musique qui peut entraîner vers la libido, et une musique qui serait bonne, mais on voit bien que dans la réalité de la vie de Tolstoï, les choses ne sont pas vécues comme ça. Et d'ailleurs, il faut dire que dans la sonate à Kreutzer, dont qu'on tire toujours vers la critique de la musique comme trop sensuelle, en fait, si on lit bien d'abord c'est le personnage qui parle, c'est pas Tolstoï, et ce que dit le personnage, c'est que finalement, de toutes les musiques qu'il a entendues dans la soirée, même s'il y en avait qui étaient moins intenses que la sonate à Kreutzer, et donc peut-être moins tournées vers quelque chose de libidineux, si on veut critiquer, si on veut chercher le mauvais côté de la musique. Néanmoins, ce qu'il avait entendu de plus beau, c'était la sonate à Kreutzer. Et que ce qui importe, c'est pas si cette musique est mauvaise ou non, c'est qui l'entend et ce qu'on en fait. Et que finalement, c'est la puissance de la musique. On revient à cette rivière, ce flux de vie, cette joie qui est la plus importante dans le rapport de Tolstoï à la musique. Laure Trubetskoy, sur ce rapport de Tolstoï à l'art et sa conception de l'art, de manière générale, d'abord, à propos peut-être de la musique, qui est quand même le terrain privilégié de Laetitia, mais je repense dans Anna Karénine à cette scène très amusante du concert où va Lévin. Et alors là, il y a une satire de la musique à programme. Il y a un morceau qui s'appelle Le roi lyre dans la steppe, pas Le roi lyre de la steppe, qui est une œuvre de Tourguenieff. Et Lévin, qui est un amateur de musique et qui s'y connaît, n'y comprend rien. Et parce qu'il y a des thèmes qui reviennent, enfin ça lui paraît tout à fait incohérent. Et à la fin, quelqu'un lui dit « Ah mais vous n'aviez pas le programme ?» Parce que c'est l'histoire du roi lyre transposé en musique, et évidemment si on n'a pas le texte, on peut pas comprendre la musique. Et il en veut beaucoup aussi à Wagner, et en général à la synthèse des arts. Bon, quant à la sonate à Kreutzer, bon, c'est très compliqué, mais je pense que ce qui est dénoncé aussi très fortement, c'est la musique comme pratique sociale. Et là, on retombe sur... La musique doit rester pure. Toujours. Oui, parce que, d'autant plus que dans l'intrigue, je me souviens plus très bien, mais enfin, la femme de Poznichev, il la soupçonne d'être la maîtresse du pianiste. Et il y a une description de ce public qui, finalement, n'est pas un fin connaisseur de musique, de ses robes décolletées. Donc, pour lui, il y a cette pratique sociale qui tire la musique du côté de la libido. Toute la faute des musiciens, finalement, Laetitia Leguet, une fois encore. Mais en même temps, ce qui est beau chez Tolstoï, c'est que la musique, c'est la vie. On n'a pas l'impression que c'est un art à côté du reste, c'est lié aux choses les plus importantes. Et d'ailleurs, il y a cette phrase qui est quand même magnifique. Si la civilisation devait disparaître, j'aurais du regret pour la musique. « Laetitia Le Guay. Je rappelle que vous êtes donc maître de conférence en langue et littérature française, mais aussi en musicologie à l'université de Cergy-Pontoise. Vous êtes également productrice à France Culture. On vous doit par ailleurs une biographie de Prokofiev aux éditions Actes Sud, ainsi que de nombreux articles, dont Le piano et le rossignol sur Tolstoï, dans la revue Europe. Demain, nous recevrons Pierre Bayard qui nous parlera de son dernier ouvrage « L'énigme Tolstoïevski ». Et puis n'oubliez pas la revue papier, la revue de France Culture sur le thème des animaux. Elle est en kiosque, c'est un très bon numéro. Ne manquez pas non plus Le Temps des écrivains de Christophe Onodibio, toujours sur France Culture. Il nous parlera des poètes excentriques samedi prochain à 17h. Et tout de suite, comme chaque jour, vous retrouvez la poésie. Jacques Bonafé qui consacre cette semaine ses lectures à de la poésie syrienne. Bonjour, bonjour la compagnie. Il fallait une place pour les poètes syriens dans les manifestations du printemps. Ils sillonnent la France, on retrouve plusieurs soirées impulsées par Maram Al-Masri. Et à ce propos, l'anthologie de la poésie syrienne que nous feuilletons cette semaine manque singulièrement de voix féminine, il fallait le dire. Une pensée pour l'admirable Racha Omram, la prolifique Maram Al-Masri et tant d'autres. Dans ce pays d'erreurs, en ces temps d'erreurs, combien de gens meurent par erreur ? L'enfant qui s'est aventuré au jardin au premier matin de la fête est mort par erreur. La fille qui est allée acheter cahiers et stylos est morte par erreur. La femme qui s'est attardée un instant à la porte du four à pain, le sort l'a surprise et elle est morte par erreur. L'homme qui, l'ouvrier qui, l'infirmière qui, l'élève, le poète, le vendeur d'épis de maïs, le chauffeur, le gardien du bâtiment, le moine, le portefeuille et le... tous par erreur. L'erreur est un poème de Nazi Abou Afash. Quel malheureux pays! Les gens n'y meurent ni de vieillesse, ni d'ennui, ni de déficience cardiaque, ni même à cause de la dureté de la vie ou des rendez-vous aléatoires de la mort. Quel malheureux pays! Les gens n'y meurent que par erreur. Le 21 octobre 2012, la poésie de Nazi Abou Afash s'écrit dans une sorte de journal quotidien. Orange. Une orange, Mounir Masri. La vie commence à partir de tes pouces, entre le milieu et le haut de l'orange, à l'instant où un peu de sa rosée pétillante atteint l'un de tes yeux lorsque tu la coupes en deux moitiés. Vivant avec entre tes mains les deux moitiés d'une orange, il n'est pas de plus grand bonheur que je puisse avoir, il n'est pas de plus grand bonheur que tu puisses espérer, car la vie est précisément ce que tu presseras peu après entre tes dents. 40 000 spectateurs, poème de Lokam Dairaiki. 40 000 spectateurs supportent les rouges, seul moi supporte les verts. Ils sont 40 000 à souffler, hurler, rugir, chaque fois que le ballon heurte le poteau de la cage de mon équipe ou que le gardien le bloque. Et à chaque occasion de marquer un but ou à chaque offensive éclair, je suis le seul à ne pouvoir sauter de joie, à chacun de nos tirs cadrés, à ne pouvoir applaudir. À une belle offensive accomplie par mon équipe, voilà que nous marquons un but. Je ne saute pas, je ne crie pas, tellement j'ai peur d'eux. Puis nous marquons un second but, je ne réagis pas. Ils sont 40 000 qui pourraient m'écraser dans un instant de furie. Enfin, le match se termine et les 40 000 sortent en rugissant. Ils insultent le ciel et la terre. Ils donnent des coups de pied dans les pierres de la route. Quant à moi, je pleure. Alors ils me tapotent l'épaule pour me réconforter, croyant que je suis parmi eux le plus fidèle supporter de leur équipe vaincue. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez votre semaine de lecture à des poésies syriennes.